Nyangi. Auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, merci de nous rester fidèles. Voici les grands titres de cette édition. Les vendeurs du marché dit chez Sillon déplorent la hausse des prix des stands. Vous l'entendrez dans cette édition. En province Kayanza, on vous parlera de l'assurance chez les ouvriers du domaine des gisements miniers et carriers. Et en commune Muhuta de la province Lumonge, les habitants de la zone Rutongo demandent une route pour desservir cette localité. La mise en onde de cette édition est assurée par Eric Ouimana. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les administrateurs des communes Mukaza, Merido, Bujumbura, les communes Busone en province Kirundo et Kayanza en province Kayanza sont suspendus de leurs fonctions à partir de ce 28 août dans une ordonnance du ministère de l'Intérieur de ce lundi. Celui de Mukaza est accusé de manque de suivi de la commercialisation des produits de première nécessité destinés à la population de sa circonscription. Celui de la commune Kayanza se manifeste selon cette ordonnance par l'insubordination, la mauvaise gestion des deniers publics et par le manque d'encadrement de la population. Le 10 de ce mois, l'administrateur de la commune Mabayi en province Chibitoke a également été suspendu de ses fonctions pour faiblesse notoire dans l'encadrement de la population, le sabotage économique et l'insubordination selon l'ordonnance ministérielle. Et certains commerçants exerçant leurs activités au marché Bujumbura City Market appelé chez Sillon n'ont pas bien accueilli la décision de revoir à la hausse les prix des places dans ce marché. Ils disent qu'ils ne voient pas comment ils vont trouver cette somme fixée au double. Ils demandent de revoir cette décision pour qu'ils puissent continuer leurs activités. Et les responsables du marché expliquent cela, que cela est dû à la hausse des produits qu'ils utilisent. Le point avec Jean-Marie Mayong. Ces commerçants disent que la somme qu'ils ont payée pour leur stand au sein du marché Bujumbura City Market ne sera pas facile d'en avoir. Ils disent être étonnés de voir comment augmenter les prix deux fois dans la même année. Nous qui faisons le commerce dans ce marché, ça nous perturbe. Il n'y a pas même une année qu'ils ont augmenté les prix et c'est trop. Tu ajoutes la TVA de 18%, ça nous dérange beaucoup. Le capital et le chiffre d'affaires n'ont pas augmenté. Comment est-ce qu'on va travailler? Ici, nous pouvons venir travailler et passer toute la journée sans avoir un seul client. Toutefois, nous payons la mairie, l'OBR et les responsables du marché. Ici, tu as une famille, ce n'est pas facile de trouver quoi la nourrir quotidiennement. Vraiment, nous souffrons beaucoup. Il demande aux autorités de revoir encore cette décision, laquelle, selon eux, ne vient pas faciliter leurs activités. Que le gouvernement essaie de trouver une solution pour nous, les simples citoyens, pour survivre. Sinon, nous allons passer la journée dans les rues. Karine Kamikazi, directeur administratif et financier au sein du marché Buja City Market, explique que la hausse des prix des stands est due à la hausse des produits utilisés pour l'entretien de ce marché. Elle tranquillise ses commerçants que cela ne va pas perturber leurs activités. On a établi les prix de location des échoppes en considérant la revue à la hausse généralisée des prix sur différents produits commercialisés ici au marché. Autre chose, dans l'élaboration du budget général de l'État de cette année, on a augmenté les taxes et les impôts. Cela influence donc l'augmentation des prix des échoppes. Le marché Bujumbura City Market enregistre plus de 1500 places réparties en plusieurs catégories qui sont considérées pour fixer les tarifs des stands. Jean-Marie Mayonga, certains habitants de la mairie de Bujumbura crient au manque de sucre sur le marché. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro ce lundi, ils disent ne pas comprendre sa rareté alors que son prix a été récemment revu à la hausse et demandent sa disponibilité. Suivez ce micro-trottoir de la radio-télévision Isanganiro. Le sucre n'est plus disponible. Nous avons même arrêté d'en vendre. Les gens nous demandent beaucoup si nous en avons, mais nous leur disons que non. Depuis que le prix du sucre a été revu à la hausse, on pensait qu'il allait être disponible, mais en vain. Mes enfants ont maigri. parce qu'ils ne prennent plus le petit déjeuner. Le sucre n'est plus disponible. Si possible, faites parvenir aux autorités du pays cette question. Même s'il coûte très cher, l'important est que l'on arrive à en avoir. Quoique, on l'achèterait à 10 000 francs. Depuis que son prix ait été revu à la hausse, je ne l'ai pas encore eu. Quelques-uns arrivent à en avoir. Je pense que la dernière fois que j'ai été approvisionné en sucre, c'était en mai dernier. Nous demandons à l'État la disponibilité du sucre afin que nos enfants puissent prendre le petit déjeuner comme auparavant. Nous demandons que le sucre soit disponible dans les boutiques. Il faut que beaucoup de commerçants puissent s'en approvisionner et que chaque personne arrive à l'acheter sans difficulté. Poursuivons cette édition. Le Burundi met en avant la résolution des conflits apparus dans différents pays par voie pacifique lors d'une réunion d'échange entre les parties concernées par la promotion de la paix et de la sécurité. Ce lundi à Bujumbura, ambassadeur Willy Nyamitwe, délégué du président Evariste Ndayishimiye, numéro 1 du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en ce mois d'août, explique que le choix de ces voies est lié à l'idée de faire taire les armes dans différents coins de l'Afrique. On l'écoute. Le Burundi contribue énormément à faire taire les armes. Comment est-ce que le Burundi contribue à faire taire les armes? Vous avez suivi le cas du Niger, où il y a eu un coup d'État, un changement anticonstitutionnel de gouvernement, où le président Mohamed Bazoum a été déposé par un groupe de militaires. Et vous avez suivi le développement de cette affaire, que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, avait pris une batterie de mesures, parmi lesquelles des sanctions économiques, mais aussi une intervention militaire. Alors, le Burundi, en sa capacité de président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, et surtout guidé par cette ambition de faire taire les armes sur le continent, a préféré faire la promotion des voies pacifiques, des voies négociées, pour que ce pays recouvre la paix, recouvre la voie de la démocratie, mais sans que les organes qui devraient faire la promotion de la paix vont aussi exacerber la situation. Parce qu'on sait quand la guerre commence, mais on ne sait jamais quand la guerre se termine. Et si notre stratégie est de faire taire les armes, ce n'est pas en allant provoquer d'autres bruits ou de bottes et d'autres bruits de canons qui peuvent faucher la vie de paisibles citoyens, encore que ces gens qui vont se battre, ces soldats, ils ont aussi des familles, ils sont africains, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des pères et des mères, ils ont des sœurs et des frères, ils ont des cousins et des cousines, ils ont des oncles et des tantes. Donc, on ne peut pas endeuiller le continent, alors que dans notre stratégie, c'est faire taire les armes et non pas provoquer d'autres deuils sur le continent. Le Burundi a pu convaincre les membres du Conseil paix et sécurité à trouver une solution de consensus, notamment sur le cas du Niger, de ne pas utiliser la force, de privilégier les voies du dialogue et de la diplomatie pour pouvoir remettre ce pays sur la voie de la démocratie. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page politique à 18h10 dans le studio de la radio Isanganiro. Le ministre de l'Intérieur annonce que la mesure suspendant les activités du parti Congrès national pour la liberté CNL pourra être levée une fois que le parti s'organise et le demande effectivement. Dans une interview avec la radio-télévision Isanganiro vendredi, le ministre a fait savoir que son institution n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans certains partis politiques connaissant des décisions. Martin Niteles affirme que le bureau politique de ce parti est appelé à trouver une issue de cette crise. Suivez-le, traduit en français par Alain Désiré Boukénez. C'est facile de s'organiser. Le bureau politique de 2019 n'a qu'à se réunir afin de trouver solution à la crise. Nous n'avons pas suspendu l'organe, nous avons suspendu les activités réunissant les membres à la base. La mesure suspendant les activités pourra être élevée si le parti le demande effectivement. Notre action n'a rien à voir avec les scissions qui se sont observées dans certains partis. Le parti n'a qu'à s'organiser. Lors de la confection des statuts du parti, le CNDD-FDD n'était pas dedans. Ils ont été conçus en fonction de leur éthique. Ici, le rôle du ministère de l'Intérieur est de veiller à la paix, à la sécurité, à la tranquillité des citoyens. Martin Niteretse, ministre burundais de l'Intérieur. L'ignorance de la loi régissant le domaine de l'extraction des mines et carrières chez les ouvriers travaillant dans les gisements miniers cause souvent problème en cas d'accident, surtout si cet ouvrier n'est pas assuré. Jean-Claude Nzeimana, chef d'antenne régionale au nord au centre de l'Office burundais des mines, indique qu'il va suivre de près cette question et que les coopératives d'extraction des mines de Kabarore, les contrevenants se verront infliger des sanctions. Patrick Nzengiumvre. Certains des habitants de la commune de Kabarore contactés disent que les ouvriers dans des sites miniers en cette commune sont mal rémunérés et que même le peu d'argent qu'ils gagnent le perçoivent difficilement. Ils indiquent qu'ils peuvent passer 2 semaines ou 1 mois sans percevoir le petit salaire du travail fait. Certains d'autres d'ailleurs font savoir qu'ils gagnent 2000 francs la journée et que cette somme n'est pas satisfaisante vu la flambée de différents produits de première nécessité au marché. L'administrateur communal de Kabarore confirme les informations fournies par les ouvriers dans des sites Minia Kabarole. Sagouye Birkimas promet pourtant rencontrer les présidents des coopératives d'extraction des mines à Kabarole pour échanger sur le sujet de la majoration des salaires des ouvriers dans des cités miniers. De l'autre côté, d'autres habitants à Kabarole disent que certaines de ces coopératives ne se préoccupent pas des assurances de leurs employés en cas d'accident. Les familles souffrent beaucoup pour faire soigner les leurs ou les faire enterrer en cas de mort. Ils voient que la valeur humaine des ouvriers dans des cités miniers n'est pas beaucoup considérée. Sinon, selon tout le monde, c'est réassuré dans des sociétés d'assurance vie. Contacté à ce sujet, l'Office burundais des mines, Jean-Claude Nzeimana, chef d'antenne région nord au sein de l'OBM, fait savoir qu'il va bientôt organiser des descentes sur terrain dans des sites miniers à Kabarole et que les coopératives qui se verront accusées de la violation de la loi régissant l'extraction des mines et carrières au Burundi se verront infliger des sanctions qui s'imposent. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganilo. Restons au nord du Burundi, cette fois-ci en province Kirundo, où certains parmi les élèves qui veulent se faire inscrire au recrutement des candidats officiers de police disent qu'ils ont encore besoin de certains documents, notamment l'attestation de réussite à l'examen d'état et autres documents pour être facilités dans l'inscription. Ils sollicitent l'administration au moment où il reste 10 jours. Le point avec Agnès Naumagadze. Ces élèves qui ont présenté leur doléance à l'équipe du recrutement du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique disent qu'ils sont à besoin urgent de certains documents exigés pour être facilités dans l'inscription vu le délai imparti à l'inscription. Parmi ces documents, c'est notamment l'attestation de réussite à l'examen d'État. Comme la même source continue à l'informer, d'autres parmi ces élèves disent qu'ils ont besoin de connaître les résultats de leur cours pour être parmi ceux qui ont réussi à l'examen d'État. Ces élèves continuent à solliciter à l'administration d'aider pour qu'ils obtiennent ce papier de base pour s'inscrire. Signalons que le délai d'inscription est de 10 jours. Ces élèves ajoutent que les frais de l'attestation d'aptitude qui est à 23 000 aujourd'hui soit revenu à basse car il était à 5 000 auparavant. Le colonel de police Jean Dodier Nizigimana, représentant de cette commission de recrutement, demande aux administratifs de faciliter ceux qui veulent s'inscrire en leur fournissant des documents nécessaires et authentiques parce que dans le passé, il s'est remarqué des cas de tricherie sur l'âge et l'ethnie. Il interpelle de leur faciliter dans l'obtention de certains documents dans les délais. Concernant l'extrait de casier judiciaire, il a annoncé qu'ils peuvent se faire inscrire sans l'avoir à leur disposition, mais de le présenter avant de passer au test. En ce qui concerne l'attestation des réussites à l'examen d'État, il leur a demandé de patienter jusqu'à ce mercredi pour avoir la réponse parce que cette question va être transmise au ministère de l'Éducation nationale. Depuis Kirundo, Agnès Nomagadze pour la radio Isanganiro. Parlons agriculture en province Ngozi. Les préparatifs pour la saison culturelle avant bon train dans cette province. Des agriculteurs ont déjà commencé le labour. Selon Émile Kubgimana, directeur provincial de l'environnement, agriculture et élevage, il demande à ceux qui n'ont pas encore labouré de le faire pour que les herbes puissent pourrir avant le semis afin de contribuer à la fertilisation. Certains des habitants de la province Ngozi disent attendre les premières précipitations à car le pain de terre sont durs à cause de la sécheresse, nous rapporte Apollinaire Muzagara. Comme l'annonce au détail du bureau provincial en charge de l'agriculture en Ngozi, bon nombre d'agriculteurs ont déjà bourré pour cette saison culturelle à 2023-2024. Certaines coopératives ont même terminé le labour. Selon Emile Kubgiman, il appelle les cultivateurs qui ne l'ont pas déjà fait à y penser le plus tôt possible afin que le semis se fasse quand les herbes se seront transformées en fumier, quitte à augmenter la production. Si le labour se fait le plus tôt, c'est-à-dire qu'il y a moyen que la fumée organique puisse être disponible dans le champ déjà labouré très tôt. Si le labour se fait le plus rapidement possible, il y a une valeur ajoutée au niveau d'un agriculteur, surtout au niveau de l'installation de la fumée organique. Ce responsable de PAE Ngozi conseille aussi aux agriculteurs la mise en commun des terres, technique qui leur procure beaucoup d'avantages. La mise en commun des terres a aussi un avantage très important, surtout au niveau du transfert des technologies, que ce soit lors de la semis ou hors de la lutte contre les ravageurs, Parce que si la population travaille leur terre par la mise en commun des terres, c'est-à-dire que au niveau de labour, le labour d'abord se fait en même temps. Quand le labour se fait en même temps, c'est-à-dire que le semis aussi s'effectue en même temps. Il tranquillise que les semences de qualité PAN 53 et subventionnées par le gouvernement seront bientôt disponibles car le rapport des quantités nécessaires en province Ngozi a été envoyé à qui d'autre. Les agriculteurs qui n'ont pas encore labouré disent attendre les premières pluies afin qu'ils puissent avoir de facilité à labourer sur des terres trop dures actuellement. Ngozi, apprenez Muzagara. Radio Sanganir. Ngozi Cap sur Rumonge, où les habitants de la zone Rutongo en commune Muhuta demandent une route pour desservir cette localité. Ils disent être coincés dans leur zone avec des difficultés à pouvoir écouler leur production ou à se faire soigner. Lors de sa récente descente en province Rumonge, Manuel Senzo Hagera, président du Sénat burundais, a promis de transmettre ce problème au ministre concerné. Une information que nous devons à notre confrère Jean-Pierre Misago. Clôturons cette actualité par cette brève sportive. Trois équipes de football qui sont montées en première division cette année n'ont pas eu la victoire lors de la deuxième journée du championnat national de la première division Primus League. La formation Bumamuru FC, qui a représenté le Burundi dans les compétitions africaines de la Ligue des champions, a décroché la victoire de 5-1 face à la formation Centre sportif de Gabon. Quant à la formation féminine Buja Queens, qui a représenté le Burundi dans cette compétition, a été éliminée par GKT Queens de la Tanzanie lors du match comptant pour la demi-finale. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Hiku Imana qui assurait la mise en onde. Au revoir.